Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Une idée de sortie pour ce mois de juillet, direction la Forge-Catel pour le Darou Fest qui va avoir lieu les 19, 20 et 21 juillet. Meryl, bonjour. Bonjour. Le Darou Fest, c'est la première édition cette année ou ça existait déjà avant ? Non, c'est la première édition. Comment est né ce festival et ça veut dire quoi, Darou ? C'est plusieurs amis où on s'est proposé de faire un festival de musique. C'est pour ça qu'on s'est dit bah, ça pourrait être sympa d'organiser un événement dans notre communauté de communes et de créer un événement autour de la musique. Et le Darou, c'est un Dahu. Le Dahu, c'est un animal imaginaire dans les montagnes, qui est un animal qui tourne en rond parce qu'il a deux pattes plus petites que d'autres. Et du coup, c'est la même chose, c'est un Darou. C'est deux façons de dire le même animal. Donc on pourra peut-être le chasser ce week-end-là, des 19, 20 et 21 juillet, mais surtout la musique aura une place importante. Alors comment vous avez imaginé un peu la programmation de ce week-end ? C'est avec tous les copains, avec tous les membres de l'association, on a discuté, on a eu des propositions, puis on a essayé de créer quelque chose de plutôt éclectique, où il y a de tout, pour plaire à un maximum de personnes. On va revenir un peu sur la programmation, peut-être un mot sur le lieu où ça va se passer, la Forge-Catel. Vous pouvez nous parler un peu du cadre du Darou Fest ? Bien sûr, du coup c'est à la Forge-Catel, c'est la commune de Bonvillet. En fait c'est une ancienne carrière située à Bonvillet. Une ancienne carrière qui a été utilisée il y a déjà des dizaines d'années, même des centaines d'années. Et en fait, elle a été réhabilitée par la commune et une association. Et du coup, quand on est passé devant, on s'est dit, mais c'est incroyable pour faire un événement. On s'est tous mis d'accord sur le lieu, une ancienne carrière en plein milieu de la forêt. C'est juste magnifique. Et donc, c'est là que vont avoir lieu les concerts. Vous pouvez nous donner quelques temps forts, quelques artistes qui seront présents ? Bien sûr, il y a SLS, c'est Lou Géléon, par exemple le vendredi. Après le samedi, il y a Marée Basse, The Firefly, les Frères Lapoisse, Bottoms Up, Aya. Le dimanche, Clara Viola, Mesdames, Procop, The Nuclear Project. Et le vendredi, du coup, puisque j'en ai donné qu'un, c'est Lobo El Coche, SLS, c'est Lou Géléon et Amalfa. 12 concerts exceptionnels et que régional. En fait, c'est que des groupes régionaux. Ils viennent tous de la région et pour ambiancer les gens de la région. Et quand on démarre un festival comme ça, il n'y a pas de difficulté pour les convaincre de venir jouer dans un lieu comme ça un peu atypique ? Non, la plupart du temps, c'est des gens qu'on côtoie déjà, qu'on connaît déjà. Ça veut dire que c'est des amis, hein, presque. Hein. Sur certains, après d'autres, c'est des envies qu'on veut les faire venir. Du coup, on leur demande et puis ils acceptent la plupart du temps parce que c'est un événement qui plaît bien. Et le Darou Fest, ce sera donc sur 3 jours. Vous avez prévu aussi de quoi camper sur place pour ceux qui viennent d'un peu plus loin ? Exactement, il y a la possibilité de camper sur un terrain sur le dessus du festival. Même ceux qui n'y habitent pas forcément loin, mais qui veulent consommer sans avoir de problème et tout en étant en sécurité. Donc le Darou Fest, c'est 19, 20 et 21 juillet à la Forge-Catel. On peut déjà maintenant prendre ses places et organiser sa venue ? Oui, exactement. On a un site où on peut prendre nos places directement. Vous pouvez prendre vos places directement. Et au cas où, même sur place, ce sera possible. La place, elle est à 13€ le vendredi et le samedi. Et le dimanche est gratuit. Et si c'est pour tout le week-end, c'est 25€. Je vous laisse le dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir découvrir ce lieu. Et puis, bien sûr, de passer un bon moment ce week-end-là pour le Darou Fest, première édition. C'est un événement vraiment convivial, un petit événement entre amis pour s'amuser, pour s'éclater autour de la musique, des animations, hein, parce qu'il n'y aura pas que la musique, il y aura des animations. Et une bonne buvette locale, de la restauration locale, des groupes locaux, que du positif. Merci beaucoup Meryl, et bien sûr pour suivre votre actu sur les réseaux sociaux, le Darou Fest, on vous trouve ? Oui, exactement, Instagram, Facebook et le site internet pour prendre des places. Merci beaucoup. Merci à vous.